Qu'a dit la voix ? En Jésus livrant sa vie, Dieu lui-même est descendu. J'ai tout quitté pour vivre seul avec mon Dieu, tout près du ciel. Et voici maintenant qu'il me faut quitter aussi ma solitude et redescendre chez les hommes. J'obéirai. Je descendrai.